je suis comblé, car tu m'as béni. Et si je reniais, je serais ingrat. Mais mon Seigneur, si seulement tu m'écoutes, exauce-moi pour cette fois dans ma vie. C'est cette fois, mon Seigneur. Exauce ma prière. Je te serai fidèle jusqu'au jour de mon départ. Exauce ma prière. Donne-moi ma famille, oh mon Seigneur. Exauce ma prière. Je vais aller au ciel, mais en et surtout ma mère, sans oublier mes enfants, mon épouse, jusqu'à ce que je dise, tu m'as comblé. Chaque centimètre.